Je n'imaginais pas qu'il y aurait 300 ou 400 000 personnes sur les ronds-points avec une veste jaune. Je ne l'ai pas vu venir, On ne sait jamais, Laquelle des gouttes est la dernière? On peut le pressentir, mais on ne le sait pas. Il y a une colère rentrée dans la population française qui va exploser. Face à cette colère potentielle qui va se déclencher, il faut être rusé. Moi je me dis, quand on fait les ordonnances travail, ça va être terrible. Parce que je me souviens de la loi travail. Manifestation monstre, tension maximale. La réforme de la SNCF, permis de statut, on ouvre la concurrence. Ça tend avec des blocages complets. Non, on n'a pas tant que ça, il y a des grèves, mais ça passe. On dit qu'on va pouvoir entrer dans les universités, dans l'enseignement supérieur. C'est une bombe. On le fait. Il y a des universités qui sont occupées. On les désoccupe. Et ça passe. Au fond, même quand ça crispe, il faut y aller. Et donc on y va. C'est ça notre idée. Au nom de la protection des forces de l'ordre, les journalistes craignent surtout de se voir muselés. Si la loi elle passe, le journaliste pourrait arrêter, mis en garde à vue, son matériel confisqué de manière préventive. Il va y avoir aussi une autocensure dans les rédactions. Et ça, ce n'est pas possible. C'est eux qui vont être la propagande des images de demain, qui vont diffuser sur les télévisions leurs images, leur vision des choses. C'est le travail du journaliste de décrypter, d'analyser toutes les données. Et il y a eu des incidents. Des incidents en marge de ces manifestations organisées autour de l'Assemblée nationale. Il faut expliquer, il faut essayer de convaincre, et puis il faut en rester aux règles démocratiques qui fait que c'est l'élection qui compte, et pas la manifestation est utile pour se faire entendre, mais elle n'est pas substitut au vote. Je vous demande d'être un peu solidaire avec votre peuple, casque, bâton ou pas bâton, nous on en a pas. C'est dans le dialogue qu'on peut en sortir, dans l'explication, dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain. Cette mission qui est collectivement la nôtre, qui est aussi celle de notre génération. Bâtir un nouveau contrat social du 21e siècle. Vous nous tirez sur les jambes, frère. Vous nous cassez. Paris, c'est une blonde. Et les lacrymos. Et les lacrymos qui nous tombent sur la gueule. En marche. Ils nous tirent des bombes lacrymogènes. Comme une odeur de désordre. Une odeur de désordre et de foudre. Ça sent le bordel. Bon, on va être 500 devant nous. Les 500, on va les pousser. Pour être 1000, les 1000, on va les pousser pareil. Les peuples français, vous cassez. Ils veulent chauffer les campagnards. J'ai honte de vous. Ce matin, les agriculteurs de Moselle ont utilisé du fumier pour manifester leur colère devant les bâtiments du département. Certains avaient déjà des gilets jaunes. C'est en solidarité pour eux. Le cap, il est beau. Nous allons le tenir. C'est pas quand ça souffle qu'il faut changer de cap. Les gens qui sont là et les gens qui se battent, ils sont à moins 30, à moins 100, à moins 50, à moins 500 tous les mois. Et ça, c'est après avoir épuisé toutes les ficelles. On n'emmène plus nos femmes au cinéma, on va plus au restaurant, on ne fait plus de cadeaux aux gosses, on ramène plus de fleurs à la maison. Toutes ces petites choses, on les a déjà supprimées. Monsieur Macron, il a ouvert la boîte de Pandore. Vous savez pas quand c'est que vous la refermez. Méfiez-vous du peuple. n'arriverez peut-être pas à le faire rentrer dans la maison. Méfiez-vous du peuple. Vous l'avez mis dans la rue. Vous n'arriverez peut-être pas à le faire rentrer dans la maison. Nous ne voulons pas de violence, nous sommes pacifistes et nous sommes déterminés jusqu'à provoquer un référendum révocatoire des élections libres anticipées. Nous ne voulons pas de violence. Notre objectif n'est pas d'instaurer une gêne durable et prolongée pour les femmes et les hommes qui vivent sur notre territoire. Notre objectif est de redonner le plus rapidement possible le pouvoir de décision au peuple, par le peuple, pour le peuple. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. La solution est en nous-mêmes, en nous les travailleurs, les chômeurs, les retraités, de toutes origines et de toutes couleurs. Mon travail n'est pas de lister les problèmes. Mon travail est de trouver les solutions, je vais les trouver. Agissons tant qu'il est temps. Il est temps, nous devons à nos anciens, nous devons à nos enfants. Nous appelons toutes les villes de France à organiser le même jour, à la même heure, une assemblée dans les lieux d'exercice du pouvoir exécutif et à y observer le même caractère pacifique et respectueux des biens communs. Les séditieux ont répondu à l'appel. Avec Macron. Et veulent s'en prendre aux institutions. Ce ne sont pas les gilets jaunes qui manifestaient, c'est la peste brune. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques convictions que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je crois très profondément que nous pouvons transformer l'expression des oppositions en un élan pour construire l'avenir. Que nous pouvons transformer les colères. Bordel de merde, système de merde, gouvernement de merde, CRS de merde. Ça peut paraître bizarre pour certains, ce qu'on demande, mais c'est la destitution du président. Il faut être intraitable sur l'ordre public. Autre phrase du jour est signée Emmanuel Macron lors du conseil des ministres. Là, on vient tous pacifistes et vraiment rien, on n'a rien sur nous. On n'a pas d'armes, on n'a pas de... Voilà, là je touche pas. On s'est fait gazer par deux fois. Et tandis que ces policiers commencent à avancer vers la foule, vers nous, de l'autre côté de ce qui est désormais une nasse, d'autres policiers chargent et lancent des grenades lacrymogènes dans l'autre sens, compressant alors des milliers de personnes au même endroit. Nous suffoquons dans les gaz. Le principe de l'état de droit, c'est que l'État doit respecter la loi. Et ça, c'est un principe fondamental. Et on ne peut pas dire qu'on est véritablement dans un état de droit lorsque l'État se dit que pour faire face à des difficultés, dans le cas du maintien de l'ordre, je vais passer outre des obligations qui s'imposent à moi en tant qu'État, en tant que détenteur de la contrainte. Un régime autoritaire, il vérifie des lois et notre constitution. On ne croit plus en rien. Il faut sortir, il faut le dire. Nous ne pouvons pas non plus accepter les propos racistes, xénophobes, antisémites, homophobes. Les citoyennes n'en peuvent plus. C'est une révolution qui se prépare. Quelle manifestation ? C'est pas une manifestation, c'est un soulèvement. Aujourd'hui, on voit qu'on a une radicalisation. Fleurissent sur les réseaux sociaux mille fausses informations et rumeurs, c'est affligeant. Mais que les responsables politiques, c'est-à-dire celles et ceux dont l'ambition ultime est de tenir entre leurs mains la destinée du pays, s'en fassent l'écho, ça n'est pas dit. C'est une affaire de tous les citoyens. La liberté de la presse, c'est la liberté de tous ceux qui publient, y compris s'ils n'ont pas de carte de journaliste ou qui ne sont pas employés par un organisme de presse. Il faut le dire très clairement. La guerre des images a commencé très tôt ce matin, puisqu'à peine arrivés, certains manifestants se sont fait confisquer leurs petites caméras et en réponse, les policiers ont sorti les leurs. Vers 17h, l'ordre est donné de disperser la place, pendant que la plupart des manifestants se dirigent vers le métro. Les forces de l'ordre essuient quelques projectiles. Le ministre de l'Intérieur a désigné de manière répétée les manifestants comme étant hostiles, factieux, légitimés l'usage de la force. Au lieu de traiter le problème, le gouvernement fait passer la loi dite anti-casseurs, renforçant le pouvoir des policiers en première lecture. Si on n'oblige pas les agents à être identifiables par le port d'un numéro RINO, on ne fait pas peser sur eux le risque d'être comptable de leurs actes. Vous mènerez évidemment votre travail en concertation étroite avec le procureur de la République et la maire de Paris. À cause de vous, on est obligé de couper les libertés. Couper les libertés ? Quelle liberté ? Ce n'est pas tant par la lutte des classes, mais par la crise écosystémique qui vient que ce système-là en viendra d'une manière très visible et manifeste à battre de l'aile et à montrer ses dysfonctionnements, sa faiblesse, le caractère irresponsable de l'idéologie sur laquelle il repose. Des ouragans plus qu'avant, le réchauffement climatique, l'érosion des sols, l'avancée des déserts, c'est symptomatique. Il faut procéder par autocensure pour ne pas le voir. Ce système qui consiste à militer pour la croissance en faisant des promesses aux parties prenantes d'une société de consommation qui, eux, auraient toujours à disposition l'abondance. Il y aura des signes suffisamment grands pour qu'on comprenne que ce système-là ne tient pas ses promesses. Il y aura des moments où, pendant quelques heures, quelques jours, il y aura pénurie. Cela sera l'indice de problèmes beaucoup plus profonds qui amèneront les gens à douter. Lorsqu'il y a une minorité intense, une minorité qui a valeur de peuple, doute de la teneur idéologique des discours hégémoniques. Cette crise de confiance qui sera majeure, là, qui sera de moins en moins marginale et qui va gagner en importance, pourra donner lieu à une transformation radicale, si tant est qu'il y a par ailleurs des perspectives enjouées, désirables, stimulantes, convaincantes, des projets pilotes, des expériences à mener à tâtons, qui semblent aujourd'hui tout à fait dérisoires et qui sont en même temps les modèles de demain. On confie à une équipe de marketing l'élaboration d'un discours. Et le discours sera le suivant. Nous nous excusons. Nous sommes le problème, mais nous sommes aussi la solution. L'idée, c'est de ne pas dire ce qu'il en est de ce régime. Ce serait politiser ce que l'on veut naturaliser. Ce qui m'inquiète davantage aujourd'hui, ce sont toutes les méthodes qui sont mises en avant pour pulvériser les sujets. Il y a une façon d'exercer le pouvoir aujourd'hui, l'autorité, il y a un rapport à la loi qui est de nature perverse, quoi, qui est celui d'acteurs qui ont travaillé à faire en sorte que le régime évolue sans tête. Les grandes banques, les multinationales et les autres acteurs sont à s'adapter aux conjonctures plutôt qu'à commander. Les mots avec lesquels on pactise, les milieux dans lesquels on s'inscrit, sont plus forts que nous. Dès lors qu'on pactise avec un certain vocabulaire, dès lors qu'on consent à appartenir à un certain milieu, ce vocabulaire et ce milieu nous conditionneront. La principale liberté qu'on a, c'est de choisir avec quel vocabulaire et avec quel milieu on entre en relation sur un plan intellectuel et intime. Dès qu'on s'éloigne de cette doxa, à ce moment-là, on passe pour hurluberlu, paranoïaque, délirant, irresponsable, fou et violent. On divise les sujets. En morcelant leur imaginaire et leur conscience, on les dépossède même de la capacité à juger de l'absurdité de ce qu'ils font. Je veux aller voir la manifestation, oui. J'ai un appareil photo sur moi, monsieur ne veut pas laisser entrer. Il n'a pas droit d'autorisation pour rentrer avec le caméra. Il faut une autorisation pour rentrer avec un appareil photo à une manifestation publique. Est-ce que ça peut être interdit de manifestation sous prétexte que j'ai un appareil photo dans mon sac ? C'est un service de sécurité qui fait tout ça, ils ont des consignes. Ils ont des consignes de ne pas laisser rentrer des gens avec des appareils photo. C'est qui sous les trois quarts des journalistes n'ont pas de carte de presse ? Vous savez comment ça marche l'obtention d'une carte de presse ? Vous m'empêchez de travailler. Vous voyez quel organisme ? Ça ne vous regarde absolument pas, monsieur. Vous devez déjà avoir une carte de presse si vous travaillez. Monsieur, on va vous demander de ressortir. C'est la première fois de l'année qu'on m'empêche d'aller photographier une manifestation. Une manifestation publique. C'est normal. C'est comme ça. Là, qui verse l'alarme. Avec les automnes. Montagne. La meilleure. C'est ça. Das wird die Selbst. Ihr müsst vergessen. Alles, was ihr gelernt habt. Alles, was ihr wisst. Vergessen. Verstanden? Vergesst, was ihr wart. Und was jeder Einzelne mal werden will. Jetzt werdet ihr nämlich nur eins. Soldaten! Ihr sollt die Milchzähne verlieren. Ich mache euch hier zu Männern. Ich mache Soldaten aus euch. Oder ich bring euch um. Und jetzt? Et je crois que c'est un gros malentendu, mais nous allons le résoudre avec les sociétés de journalistes. C'est qu'on n'a pas jamais demandé une carte de presse pour être journaliste sur une manifestation. Vous êtes journaliste de presse ? Journaliste. Vous avez une carte de presse ? Est-ce que vous avez une carte de presse ? Journaliste, c'est aussi avoir une carte de presse. Ne parlez pas de répression, de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. C'est quoi une république où les fonctionnaires sont pas identifiables ? C'est pas parce qu'on met une GoPro sur un casque et qu'on se revendique journaliste qu'on a une impunité. Y'a pas de RIO. On n'a jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un manifestant. On a tous vu cette image samedi du commandant de police à Toulon. Les journalistes représentent 10% du nombre de blessés total des manifestants. Il n'y a pas 10% de journalistes. Une carte de presse. J'ai pas besoin d'une carte de presse, monsieur. On est tous reporters, on a tous le matériel, on a tous nos cartes d'agence. Vous, par contre, vous n'avez pas votre RIO. Personne n'a de RIO. Je vais reculer, y'a pas de soucis, mais moi je vais demander de porter votre RIO avant de reculer, je veux savoir qui me donne cet ordre de reculer. Mmh. Lâchez-moi, Pour La République En Marche, ces violences n'existent pas. Elles ne sont ni mentionnées, ni sanctionnées, ni condamnées. Elles sont officiellement ignorées. Eh ben, ici, lâchez votre caméra, on est là. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, vous avez des moyens de protection, vous n'avez pas le droit. Des privations de liberté, souvent sans fondement. Sur ordre. Même s'il n'y avait rien contre eux. Il y a des anomalies et des dérapages policiers, j'en ai constaté quelques-uns. Il y a systématiquement une enquête, et dès que ce sera établi un terme de l'enquête, il y aura des sanctions. J'étais bleu partout. Je me suis fait arrêter, je me suis fait crampouiller par terre, j'ai rien mangé depuis. Un même procureur de la République pour poursuivre un gilet jaune quand il a commis une violence contre un policier, on se rend compte que le gilet jaune est poursuivi en comparution immédiate. Au bout de 48 heures, il est jugé et il va en prison éventuellement. Je suis journaliste ! Vous me laissez passer ! Je suis journaliste ! Fais ça ! Fais ça ! Je suis journaliste ! Tu fais ça ! Dans lesquelles on travaille, les véhicules qui sont pourris, tous nos collègues se mettent en arrêt maladie, tout le monde est en dépression, il y a des burn-out. Député En Marche, il est le porte-voix de la police et de ses désirs extrêmes. Je pense qu'il faut protéger nos policiers. Il peut y avoir un débat dans la société pour ne pas protéger les policiers. Il y a ceux qui n'aiment pas la police, ceux qui n'aiment pas la police. À partir du moment, en pratique, où vous sortirez un téléphone portable et que vous filmerez les forces de police vous diront, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir utiliser toutes les armes du droit pénal. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir vous confisquer votre téléphone, ils vont pouvoir vous arrêter, ils vont pouvoir, le cas échéant, vous mettre en garde à vue de façon préventive. On souhaite d'un côté anonymiser complètement les forces de l'ordre et de l'autre imposer à tous les citoyens une identification faciale permanente. C'est hyper inquiétant. On circule dans une ville, on circule dans des prisons à ciel ouvert. Est-ce qu'on est pour que les caméras piétons puissent filmer en direct en continu? On ne peut pas se réjouir de cette loi qui ne fait que restreindre les libertés et l'article 24 est un détail par rapport à l'ensemble de cette loi qui met surtout en place une surveillance technologique de chaque instant des populations. Sans vidéo, il n'y aurait jamais eu toutes ces dénonciations. Ils pouvaient être vus, aussi bien qu'entendus. Naturellement, il n'y avait pas de moyen de savoir si à un moment donné on était surveillé. se tient sage. Je n'ai rien à cacher. On n'a jamais connu une surveillance qui soit aussi énorme. On n'a jamais su autant de choses sur nous. Dans 20 ans, est-ce que je serai toujours d'accord, moi, avec les lois actuelles ? Dans 20 ans, contre toute attente, est-ce que j'aurai pas quelques envies de rébellion de pas respecter les lois ? Je sais pas, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que si j'accepte l'instauration de l'appareil de surveillance actuellement, si tout est enregistré, si tout est filmé, si tout est archivé, ce sera trop tard. Ça veut dire que dans mon quotidien, si je suis tout le temps surveillé, je peux plus blaguer, je peux plus transgresser. Je sais jamais à quel moment mes propos sont enregistrés, pourront m'être sortis et dans quel contexte. Quand j'étais adolescent, j'avais un journal intime que je cadenassais et que je rangeais sous mon lit. Est-ce que ça signifie que ce que j'écrivais dedans était automatiquement illégal ? Utiliser un VPN, ça fait de vous quelqu'un de suspect, peu importe l'usage. C'est pas moi qui détermine si je suis suspect, c'est les autres. Moi, mon courrier papier, c'est plutôt des factures et beaucoup de pubs. Mes emails, c'est là où vraiment transite l'information et parfois l'intime. Ça voudrait dire que j'autorise mon facteur à ouvrir l'ensemble de mes courriers papier, qui les lise, qui les interprète, qui s'en amuse éventuellement, qui les photocopie et qui garde une copie à vie. Mon facteur, c'est un chic type, j'ai confiance en lui, mais est-ce que c'est pas aussi un blaireau qui va stocker toutes mes photocopies dans son buffet chez lui, sans les protéger, et n'importe qui pourra les consulter pour venir prendre l'apéro. Ce qu'on appelle les métadonnées. C'est beaucoup plus intime que les empreintes digitales et ça en dit beaucoup plus sur nous que beaucoup des autres informations qu'on juge importantes pour notre vie privée. En réalité, sans le savoir, je peux être mis sous écoute alors que je me considère comme une personne lambda parce que je suis en communication avec quelqu'un qui, à un moment donné, pour une raison plus ou moins légitime, a nécessité une mise sous surveillance. Et moi, ça me dérange pas parce que de toute façon, j'ai rien à cacher. Si on doit surveiller quelqu'un, en tout cas, ce sera pas moi. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, on est pour la paix. Les premiers violents, provocateur de toute violence. C'est vous. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Je sais que je dois leur crier à ceux-là. À plusieurs reprises avec des députés, même avec un ministre, je peux vous dire qu'ils ont tous des sueurs froides. On n'est pas des truands, on n'a pas besoin d'être en permanence contrôlé, suspecté, de vouloir s'en mettre plein les poches. Prenez garde. Mais il y en a peut-être aussi qui se disent qu'avant, ils gagnaient peut-être beaucoup plus. Hein, parce qu'il y a des collègues, là, surtout les petits nouveaux qui sont arrivés. Là. J'ai entendu qu'il y en a certains qui devaient manger des pâtes. Parce qu'avant, ils gagnaient 10 ou 15 000 euros et que maintenant, ils se retrouvent avec 5 000 et 300 euros. Les Français ne veulent pas faire d'efforts. Est-ce que justement, on n'est pas trop dur avec nos responsables politiques ? Non. On n'est pas passé non. D'un excès voilà, non, d'impunité à un excès on est, on est légitime de penser que le peuple n'est pas capable de mener lui-même ses affaires. Et dans ce cas-là, on n'est pas démocrate. Un démocrate, il fait le pari que même quelqu'un qui a aujourd'hui paraît écervelé, paraît superficiel, paraît égoïste, ça, ça change. Cet état-là n'est pas une nature, c'est une situation. Je vois bien que Il y a plein d'humains qui, aujourd'hui, ne sont pas tout de suite en état de s'occuper du bien commun. Mais je vois des gens qui se transforment dans les ateliers constituants, dans les conférences, qui se transforment en bien. Quand tu fais confiance à quelqu'un, il se transforme. C'est pas le même que quand tu te méfies de lui. Tu te méfies de lui, il va être digne de ta méfiance. Et tu lui fais confiance, il va tout faire pour être digne de ta confiance. Les humains sont comme ça. Quand je suis en train d'écrire les règles que devront craindre les décideurs politiques, je suis en train de me transformer en adulte politique, je suis en train de me préparer à ne plus subir le joug des élus et de me hisser au-dessus. Je sais bien qu'il y a quelques affreux, très égoïstes, très violents, et qui je vois complètement minoritaires et marginaux. C'est pas eux. Si on prend nos décisions ensemble à la majorité, c'est pas les gens méchants, violents, égoïstes qui vont faire la loi. Ils sont minoritaires. On n'a pas besoin des médias, on n'a pas besoin des élus, des pouvoirs. C'est en souterrain qu'on se passe le mot, on fait de l'éducation populaire. L'éducation populaire, ça veut dire qu'il n'y a pas un prof et des élèves. C'est chacun qui, à son tour, est prof de ce qu'il sait faire et ensuite il est élève de ce qu'il apprend des autres. Et chacun est prof, chacun à son tour. C'est ça l'éducation populaire. Hein. Et les ateliers constituants, à mon avis, il faut que ça arrive à se développer en éducation populaire. De façon désorganisée. Le seul antidote au monde totalitaire qui est en train de devenir, le seul antidote, c'est la vigilance des humains. Les cellules du corps social ne doivent pas roupiller. Vous et moi, là, on ne doit pas se contenter de consommer, de travailler pour produire, puis de consommer, et on ne doit pas se dispenser de politique. L'état de droit, c'est une pyramide avec des règles de plus en plus importantes. Et au sommet, il y a la Constitution qui n'est plus du droit. C'est la règle qui est même au-dessus des traités. Hein. Et ils sont arrivés à mettre les traités au-dessus de la Constitution, mais c'est une félonie. Et ce texte-là, il n'est pas juridique. Il ne faut pas le laisser aux juristes. C'est un texte politique, la Constitution. C'est un texte que nous devrions étudier ensemble en éducation populaire. Et là, il n'y aurait plus de place pour les tyrans. Un citoyen est vigilant. Sinon, c'est pas un citoyen. Devenir constituant, ça va tout changer. Et être contagieux, c'est-à-dire que si t'es pas constituant, t'es pas citoyen. Si t'es électeur, t'es un enfant. T'es pas un adulte politique. T'es quelqu'un qui a abandonné toute ta souveraineté, toute ta légitimité humaine à participer au bien commun. Tu l'as abandonné à quelqu'un dont tu décides qu'il t'est supérieur. Mais si tu es constituant, tu redeviens le souverain, le co-souverain. Tu ne vas pas tout décider tout seul, mais tu redeviens un adulte politique avec ta dignité. Ce qui est écrit dans la Constitution, c'est une absence. Nous ne sommes pas dans la Constitution. Dans les ateliers constituants, on prend les articles et on dit où est-ce que nous sommes absents. Et ça, c'est ce travail intellectuel, il nous grandit. J'identifie la cause première des injustices sociales sur une démission des humains à écrire eux-mêmes les règles du pouvoir. À instituer eux-mêmes leur puissance. Il y a 4 référendums d'initiative populaire imaginables. À la demande d'une petite partie de la population tout entière peut être appelée à révoquer un élu ou un responsable politique, à voter une loi que les parlementaires ne veulent pas nous donner, à abroger une loi que les parlementaires veulent nous imposer ou à changer la Constitution. Pouvoir évoquer les représentants. Quand on s'aperçoit que le représentant n'est pas digne, il faut pouvoir le révoquer. La vraie démocratie, c'est l'anarchie, en fait. C'est les gens qui se méfient des pouvoirs. C'est les gens qui deviennent adultes, comme les pirates. C'est d'abord des esclaves sur les bateaux. C'est des marins, c'est-à-dire donc des esclaves qui ont des conditions de vie épouvantables sur les bateaux et qui s'échappent, qui tuent leur maître, qui volent le bateau et qui jurent qu'on leur fera plus jamais le coup. Ils décident qu'en temps de guerre, il nous faut un chef, comme les Amérindiens, les Indiens-Amériques, pareil, avec les chefs à plumes, là, c'est pendant la guerre. Quand il y a la guerre, il nous faut un chef, sinon on prend une pâtée. Donc il nous faut un chef pour nous organiser, mais on sait qu'on craint que ce chef ne devienne tyrannique en temps de paix. Alors, on le surveille en temps de paix. Et on le surveille comment ? Chez les pirates, il y a un quartier maître dont le boulot est de surveiller qu'ils ne donnent pas d'ordre en temps de paix. S'ils donnent des ordres, on le fout à la baille. On s'en débarrasse.